Sinon, ça skippera une semaine. Ah, c'est ça. On perd toute notre bouffe. Ouais, on va perdre tous les sorbets. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est jamais long, le gros du truc. Ça se fait super vite. C'est après les petits trucs comme moins essentiels, c'est toujours plus long. Vu que c'est pas, justement, vu que c'est pas essentiel. Ouais, non, c'est ça. Tout le monde est tout encore en train de déménager. Tout le monde avec des boîtes, pis t'as lui qui prend son ordi. Genre. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, moi, ça fait. T'enregistres-tu, là, ou non? Ah, mais là! Ben oui! On vient de perdre 2 minutes de C'est de contenu. la crise de boîte, là. J'enregistrais pas, mais. Ah ouais, mais c'est pas différent du début des 4 derniers. C'était tout bon. Les 4 derniers, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, le Ben, gars? T'es en train de dire que. seulement bon que Bruno Georget, Ben oui! Hey, ben ça, c'est. il Oui! nous Ça, c'est hot en crise parce que c'était un peu. Ça mis un running gag. a liké. Bruno nous avait écrit comme dans les alentours de l'épisode 13. Ouais. Ah, quelque chose de Il avait dit quelque genre. chose comme j'ai commencé à écouter votre truc, vous êtes bon, tu sais, changez rien à votre formule ou quelque chose de même. Puis on a appris ça au mot, puis l'épisode d'après, on avait comme refait l'intro mot pour mot. Pareil. C'était tellement pas drôle, puis lourd, là. Puis on n'a jamais eu une nouvelle après. Fait qu'on s'était toujours dit comme Chris, c'était tellement pas drôle qu'il a Non, c'est regretté de nous avoir hein. écrit, puis il a juste plus jamais reparlé D'avoir pris de revenir. 80, 70 épisodes pour le reprendre. Non, c'est ça, fait que. En tout cas, je te salue. Juste Stéphane, pas moi. Ça, Mathieu, il taillit au bout, là. Non, en tout cas, de toute façon, on sait déjà que sûrement qu'on n'entendra pas parler de toi jusqu'à l'épisode 175. Puis qu'après ça, on va encore amener ce running gag-là. Tu vois, c'est nous autres. Tu sais, on a un univers assez vif. Et ouais. C'est dur. Des fois, tu te dis, quand même, eux autres, on dirait qu'ils se préparent. On dirait. Tu fais comme, hey, c'est organisé, ça. Tu sais, quand t'as un lore vraiment constant, puis bien exploité. Ouais, puis qu'en plus, le trois quarts de ce lore-là, c'est nous deux qui chialent sur le lore. Hein? C'est un peu comme dans la génétique, ça, je pense. C'est genre, plus ça Ouais. reste proche, puis c'est genre frères et sœurs ensemble, plus c'est mieux. Ben, c'est un peu ça le podcasting au Québec, anyway. Fait que. Ouais. Ouch. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Hey, cette semaine, sais-tu, hey, j'ai une version modifiée de la roulette à sujet. Oh. Puis c'est une roulette à. The fuck qui va se passer dans cet épisode-là? Fait que je la tourne! Oh, hey, et puis ça tombe sur. L'intro! Les sorbets! Nice, on l'a pas oublié ce coup-là. Non, c'est ça, puis je pense que c'est bon, là, de mettre à peu près à 2 minutes, mettre l'intro. Ouais. C'est assez standard, je pense, là. Ben oui. Moi, vous direz que la majorité des podcasts mettent l'intro comme à la première seconde, mais là, ok, c'est nous autres. On pousse. Mais c'est surtout, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir à mettre l'intro en premier, ça vient juste de la radio. D'avoir un truc que c'est parce que t'es cédulé à telle heure, puis ça se peut que quelqu'un rentre sans savoir c'est quoi, mais là c'est comme y a personne qui tombe là-dessus par accident. Ouais, non. Ben, tu sais, je pense que l'intro au début, c'est important pour un show qui est plus structuré, puis qui a un concept clair Oui, mais qui revient même tout là, le temps. même si genre t'aimerais même pas d'intro, on s'en crisse, la Ouais, mais c'est personne est allée cliquer sur le lecteur sur ton show. Le fun, une intro. Ben oui. Tu cliques Oui, de quoi, mais puis c'est c'est. pas utile. Tu cliques sur de quoi, puis t'entends déjà « Bonjour, bienvenue à Parlons chaise. » Tu sais, Ouais, mais à un ça moment vient donné. purement juste de. Je suis sûr de la structure de genre télé puis radio de. T'as une saisie que tu peux rentrer quand tu veux. De trucs plus live. Mais là, c'est pas ça. C'est comme sur Netflix, t'es content à Chris de pouvoir skipper l'intro. Hein. Genre, tu sais Ouais. c'est quoi le show. Hein. Ouais, oui, non, c'est sûr, mais. Tu sais, je sais pas. Mais tu sais, mettons, des vidéos YouTube, c'est pas mauvais qu'il y ait une petite intro, là. Non, je dis On pas que c'est s'entend mauvais. Je qu'il. te dis juste que. Avec ou sans. Ça va pas faire un meilleur show tant que ça. Ben, ça fait plus Ben oui. professionnel, mais c'est parce qu'on Ben a. oui. Ben oui. Hey, tu te souviens-tu de l'article du gars qui disait à tous les podcasteurs comment faire un podcast, là? Je me souviens plus. Si je sais plus quoi son nom, ouais, on a ouais. déjà parlé, là, mais disait dans ses points que c'était important d'avoir une bonne intro, puis que c'était un des points les plus importants d'un podcast. Là. Ouais. Ce gars-là, il avait un très beau site, là, je pense qu'on peut, on peut prendre, tu sais, on peut y faire confiance. Là. Ouais. Mais de l'avoir au début aussi, c'est une autre affaire de. C'est pas grave. À la radio, on s'entend, tu tombes sur le show, pas à cette minute-là, tu le sais pas plus, c'est quoi. Je vais aller chercher, c'est quoi le style d'article de merde. Ça intéresse tout le monde, fait que. Puis j'ai rien. J'ai vraiment rien. Ben, t'as un fond qui fait du bruit, mais moi non plus aujourd'hui. En plus, je le feel pas. Je me sens. C'est genre de matin, genre de matin que t'es comme, ah, oh, tabarnak. Tu sais, genre, tu te réveilles, pis toi, t'es un peu frustrant. Comme pas. Genre, je suis pas comme. Ah, je tirais des trucs, mais c'est juste, toi, t'es une base de genre. Ah. Mais tu penses pas que ça va faire un bon show, ça, toi, une petite coche plus amère? Ben, oh, hey, ça, pas moi, ouais, hein. Ça donne des trucs comme moi qui parle du début de l'intro en disant que ça sert à rien. Ben, écoute, là, peut-être que t'as raison, peut-être qu'il faut plus la mettre, l'intro. C'est pas ça que je disais! Okay, en tout cas, peut-être ça. Putain, c'est pas vrai. Ah, c'est ça. Hein, Chris, tu l'aimes pas, notre intro, c'est pour ça, hein? C'est Yannick Anctil. Ah, lui! Ouais, Yannick Anctil, qui est sur le site communication Jean Marlot. C'est le blog de Yannick. Dans le blog de Yannick, il y a deux articles qui s'appellent « Le meilleur et le pire du podcast au Québec ». Arnaque. Oups, mon son d'ordi. Voyons, calice. Reprends-toi. Check ça, gars. Il dit « Le contenant. Vous avez le contenu, nous allons travailler sur le contenant, ce qui attire l'auditeur en premier lieu. Qu'est-ce qui compose votre contenant? Ben, l'image promotionnelle. Et le thème sonore de l'émission. C'est là où il y a le plus de travail à faire, selon moi. » Yannick dit « Le thème sonore de l'émission, c'est là où il y a le plus de travail à faire, selon moi. » Non, c'est pas sur... Vu le contenu, puis l'équipement, vu que c'est... le son, le montage. Non. Mettons qu'un mettons un podcast, c'est 1h30, l'intro, elle dure près 30 secondes, 20 secondes. C'est le plus gros. Mais cette 20 secondes-là, c'est l'affaire la plus importante de cette heure et demie-là que tu vas partager avec ton monde. Parce que, tu sais, c'est sûr que Damien dans le podcast, puis tu l'écoutes, les gars, ils disent des affaires intéressantes, tu fais comme... Lise que l'intro, ouais. C'était de la merde. Je suis pas capable de m'enlever ça de la tête. Parce qu'ils sont sympathiques, les gars, puis c'est bien fait, puis ils savent de quoi qu'ils parlent, mais Chris, d'intro de merde. Mais je sais pas à quel point ça pourrait jouer, tu sais. Maintenant, tu fais une intro, mais c'est juste comme tristement bizarre, de genre du monde qui rit, puis une chaise qui fait du bruit, puis genre des sons louches, dégueulasses. Ben, ça fait avec le show, il y en a. Tu sais, ça fit pas. Mettons, nous autres, on change là, l'intro, c'est juste comme des bruits de chaise, le bruit de ton fond de même, genre des sons de glu qui vont comme. Ben non, mais c'est ça, tu sais, si ça fit avec le show pis le ton, ok, tu sais, ouais. Si ce serait ce son-là pour un truc qui va parler de conception cercueil, pis c'est pas de cercueil, non, mais... pis avec Jean-Guy cercueil, pis ok, c'est pas ça, je dis, voici l'intro. Mettons même si ça fit pas, genre à quel point ça ferait que le monde font comme, ah non, je l'écoute pas. Ben ça, ouais, ben je sais pas si ça fit pas. Après, t'écoutes le show. Genre, t'as-tu vraiment déjà arrêté d'écouter un podcast parce que l'intro était pas bonne? Non, parce que j'aurais arrêté d'écouter pas mal, hein? Voilà. Aïe, aïe. Non, mais tu sais, de quoi qui serait vraiment, qui fitterait zéro, que ce serait juste des sons expérimentaux qui n'ont aucun sens, peut-être que ça me tournerait off. Quoi qu'en même temps, non, je ferais comme, pourquoi c'est là, je veux comprendre. Ouais. Je serais peut-être plus curieux. D'où mon... Je pense pas que ça soit si... core. Mais je pense, tu sais, oui, c'est important, c'est comme n'importe quoi, il faut que tu aies une marque ou je sais pas, mais en même temps, le visuel doit être aussi important que l'intro. Ouais. Moi, en fait, je pense que je suis plus là-dessus, mais c'est genre, tu vois la pochette, t'es comme, nope. Oui. Tu sais, ça donne... Puis en même temps, c'est important, mais tu sais, il y en a qui ont des bons covers travaillés que, le son va pas suivre. Là. Ah ouais, comme qui? Non, j'ai pas d'exemple, mais dans le sens, juste dans le sens de dire que la qualité ou le manque de qualité dans l'image reflète pas nécessairement tout le temps ce que c'est en tant que show, mettons. Bah ouais. Mais en tout cas, c'est Yannick Anctil, le Chris. Mm. Parce que Yannick Anctil, après ça, il dit pourquoi là, pas quelques coups de pratique sorbets. Avec ça, ouais, ça. C'est sûr, lui, il nous écoute pis il se crosse. Ouais, c'est ça. Mais là, on a chié dessus. Fait que... Ah, ben, il va nous aimer encore plus, là, parce qu'on avait une bonne chanson thème. Ah oui, c'est vrai. Hein, oublie pas. Ouais. Il a du fait, Chris, il me chie dessus, mais la chanson thème était tellement bonne. Merci, Fire Dog. Mm. Parce que, tu sais, après ça, avec son ton de gars qui connaît tout le podcast, puis clairement, il suit tout ce qui se fait au Québec. C'est clairement son ton, il dit selon moi. Ben, écoute, tu sais, check. Pourquoi pas quelques coups de pratique avant d'arriver devant le public? Tous les humoristes au Québec connaissent le vieux clocher de Magog. C'est une petite salle de spectacle où ils viennent tester leur matériel en prévue de la première officielle. Ouais, mais Chris, je veux dire, un podcast, ça s'améliore, veux pas, à toutes les semaines, là. Puis pour le tester, tu vas faire quoi si t'as pas de feedback, si t'as pas rien? Je veux dire, tu sais, les humoristes, ils vont roder devant du monde. Ce monde-là, c'est un public aussi. Tu sais, c'est pas genre, je rote dans mon garde-robe, puis là, je sors mon show. Ouais, mais je pense qu'il veut dire, c'est aussi pas... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Ben, tu sais, je comprends l'idée de se pratiquer, puis de pas sortir la première marde que tu fais, puis de tester des affaires, mais en tout cas, fuck you, Yannick, pas fan de ton truc, de toi en général, ouais, je comprends pas ton site. Ouais, parce que Stéphane, c'est un expert, lui. Moi, je suis un... Ben, Chris, je suis un expert certain, j'avais un enfant, il est mort. T'as quoi? J'avais un enfant pis il est mort. Ah ouais? Je suis un expert. Ah, oh my god! Tabarnak, man, je suis un peu là. Au début, j'étais comme... de tomber dans la catégorie genre humour. Un aveu, pis je suis comme... C'est genre... Oh! J'ai comme, c'est bien une drôle de place pour le dire. Bon, c'est ça, c'est là que ça sort. Ouais, j'avais un enfant pis il est mort. Non, ça, je suis une joke d'expert. C'est pas canon. Ça, c'est pas canon. Non. C'est pas canon que j'ai un enfant pis il est mort. Oh, on a un appel. Oh, oui, allô? Allô, est-ce que je peux parler à mon papa? Oui, c'est qui ton papa? Mon papa s'appelle Daniel. Ah, tu t'es trompé de numéro de téléphone. Oh. C'est les sorbets du caractère mou ici. Oh, oui, j'aime vraiment pas vos propos, mais votre intro est sans sas. je vais appeler un autre numéro, merci. Bye. Bon, ben, excusez. Faux numéro, ça arrive. Ben, ça arrive, étonnamment. Je pense que ça en est tout. Tous les appels qui sont arrivés, ça, c'est pas mal tout des faux numéros. Ouais, je pense. On n'a pas genre, mettons, mais on a même pas de téléphone. Programmé, non, ben, c'est ben, on a ça pas de téléphone. Ça appelle dans nos ordi. On a Jean-Guy, le gars des fils, qui s'occupe de ça. Ouais, enfin, ça fait longtemps que vous m'avez parlé. Hein, Jean-Guy, le gars des fils. Avec toi, ce qui est le fun avec toi, c'est que t'en as quand même vécu beaucoup d'affaires pour un personnage qui revient pas tout le temps, là. Ben, faut bien que je travaille, là. Je vois une psy. J'essaie de rencontrer du monde. Aïe, aïe. Vis ça tout seul, t'es pas un homme. C'est ça. T'es bien méchant. Ben oui. Non, mais Jean-Guy, c'est parce que Mathieu est ta mère un matin, fait que. Ouais. Fait que c'est canon, ça. Mathieu, c'est la mère de Jean-Guy. Va chercher ton père, Jean-Guy! OK. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que des jeux de mots de parents, moi. Ouais. Jean-Marc? Ouais, c'est ça, exact. Puis avec la toune « Ah ouais, Jean-Marc, ma belle. » Ça va pas tout bon, hein, sur 86. On s'entend, tu sais, 86, surtout, il y a plus d'anniversaire, là. Il n'y a même plus d'anniversaire, parce qu'avant, on lisait, t'sais, à chaque début d'épisode, on disait « Ah, oh, c'est l'anniversaire de telle affaire à cause qu'on suivait les anniversaires de mariage. » Là, il n'y en a plus. Puis même dans les faux 5 qu'il y avait après, ben là, on n'y a plus non plus. Il n'y a plus l'anniversaire de Taos, yeah. L'anniversaire rien, de Sianto Vagin. On aurait dû arrêter là. Ouais, ben je pense que c'est ça que j'ai envie de dire. Puis on est en train, on est-tu comme dans... Là, on vient de dépasser... On est rendu dans la saison 10 des Simpsons. Ouais, il aurait fallu sortir sur le high. Ouais. Ben, dans le but de sortir sur un high, faudrait pas que ce soit un poche. Soyons bons, ok? Cette semaine, on a un appel. Oh, tabarnak, Chris, que ça part fort. Hey, allô, ça va? Tu mère mou. C'est de beau show. Allô? C'est moi, le papa de Jean-Guy. Ouais? Arrêtez de l'écœurer. Pauvre petit, il pleure tout le temps. Il a perdu sa femme et son enfant. Ouais, qu'est-ce que vous avez vécu, sûr, vous autres, Chris? Hein? Ben, j'habite en dessous de l'échangeur sur cause, c'est pas facile. Oh, hey! Y'a du monde qui meurt! Pis toi, t'entends un peu de bruit! Hey, c'est pas facile, là! Chris! Hey, t'écoutes la télé, t'entends juste poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc! Oh non, toi, t'as la télé en plus, pis là, t'entends du petit bruit! J'entends un petit peu moins bien le son de ma télé! Ouais, c'est comme s'il y avait un gros pic-bois géant qui piquait sur l'échangeur, ça gosse! Oh, hey, ça va-tu te tuer? Je pense pas, Chris! Ben, pic-bois géant, ça se peut que ça me tue, man, c'est gros en tabarnak! Pic-bois géant, t'es ben cave! Ben, c'est pic-bois géant! Moi, je vais te dire. Non, je suis juste surpris que j'ai... Non, il est parti, je pense, il a raccroché, man. Aïe, c'est quoi ça? Moi, j'étais juste surpris que Jaggy ait un père, vu que dans ma tête, Jaggy était quand même vieux. T'sais, ben, t'sais, pas qu'il ait un père, je comprends qu'il, soit, qu'il vienne quelque part, mais qu'il soit encore vivant, puis qu'il a l'air un petit peu plus shape que lui. Ah, il se tient en forme, ce monsieur-là, je pense. Ça a l'air ce que Jean-Guy nous a dit. Jean-Guy, c'est quoi son âge canon? Hein? 57. Ah, ok. Ouais, ça, oh, fait que lui, son père a genre 70. Ouais. 70 en shape, là, qui boit des 70, shakes. 70, il a pas eu l'enfant à 13 ans. Hein? Ben, 50. Ah. Ben, peut-être. Il a 80, 100, mettons. 13. Ok, 73, ben non, 73, c'est une 16. Ouais, ok. Ben, il est jeune. Ouais. Il a le droit d'avoir eu jeune. Jean-Guy, il est pas si bien viré que ça, là. Non, c'est ça. Ça se peut que son père, il savait pas quoi faire avec, là, pis... Ouais. En tout cas, monsieur dangereux, qu'on se le dise. Croyait pas que c'était un gros pic-bois. Je sais pas, il est pas fou, hein? Non, il sait ce qu'il veut... Il connaît la vie, lui. c'est pour ça que je pense que je commence à l'apprécier de plus en plus, ce monsieur-là. Ouais. Ouais, on a oublié de demander son nom. Ben, c'est pas grave. On sait déjà que c'est le père à Jean-Guy. C'est quoi son nom, Jean-Guy? Qu'est-ce que t'as dit? Chris! Marc Boilard! Non, c'est pas. Chris! Ah non, c'est hot! Ah, c'est que c'est hot! Marc Boilard! Le? Ben non, là, c'est lui qui l'avait avant, mais qu'est-ce que tu veux? Ok. Mais c'est Jean-Guy Boilard! Ton nom? Non, on a pris le nom de ma mère. C'est quoi le nom de ta mère? Quoi? C'est quoi le nom de ta mère? Va chier. Qu'est-ce que t'as dit encore? Ah, non, Jean-Guy, voyons. Non, c'est Laurier. Laurier, ok, bon, mais... Ouais, ok. Aïe, aïe. Ce qui est le fun, c'est que tout ça, c'est un peu mauvais, mais je vais essayer de le réparer au montage. Oh, hein? Hey, aujourd'hui, t'es dans le retour du « je dis que tout est mauvais, Calis ». Ouais, ça faisait... Pour vrai, ça faisait un bout que ça m'était pas arrivé, je pense. Ça faisait beaucoup d'épisodes d'affilée que je les sentais tout le temps. Là, je suis retombé dans un crash de « oh my God, que c'est... » Tu sais, quand tu le fais dans le mauvais ton, là... Ça tombe bien, là, en plus, parce que moi, je suis vraiment, genre, têteux à matin, fait que... Mais c'est correct, ça va sûrement donner de quoi de gold, là. Il y a sûrement du monde qui faisait comme « ah, moi, je vous aimais mieux quand tout ce que vous faisiez, c'était de parler de vous autres pis de dire que vous étiez mauvais. » Ouais, vous autres, vous êtes random. Hey, OK, segment random. Hey, un sachet de thé! Ah ouais, moi les ananas, j'aime mieux ça dans l'espace! Papa, je tire des lasers! Ah, je suis un canard maintenant! René, prends la branche! As-tu vu des caleçons dans l'étagère? Non, je vois pas, pas de lunettes! Mes lunettes, normalement... sont en steak? C'est des écrans d'ordinateur bleus! Moi, je suis un steak, j'ai des pattes, je m'appelle Rory. Est-ce que t'es cuit? Cuit comme un oiseau? Comme un oiseau, genre un oiseau comme un couteau? Comme un couteau, comme un cercueil, comme une banane? Avez-vous vu la belle... Gargarisée. Cactus. Salut, c'est moi, Roger Cactus. Je vends des aspirateurs. Oh, est-ce qu'ils aspirent bien à devenir meilleurs? Non, pas du tout, car... Glu. Les fruits sont cuits. Bois. Poisson. Des casquettes. En glu. Un visage de muffin. La fenêtre des astres d'un pinceau rempli de boîtes. Moi, je suis déjà allé la fin de semaine, un lundi. Il m'a fait très mauvais. Moi, mon chat, c'est des rouleaux aux fruits. Quand je le mange, il miaule. Bon, fin du segment random. C'était bon, ça. Hey, ça, là, ça va peut-être être récurrent. C'est quand même, mine de rien, c'était le fun à faire. Alors, fin de semaine de lundi. Bon, OK. Ben, parlant de random, on va encore parler de nous autres un peu tout le temps, là. Mais calé, mais... c'est drôle. C'est ça qui arrive, ça va être plus drôle. Vous réécouterez cet épisode-là, comme on va le dire. On a découvert de quoi cette semaine? Écoutez les sorbets à la vitesse 0.5. C'est assez succulent. Oh man. Ça s'invente pas, là. C'est ridicule. Comment, tu sais, probablement que ça marcherait avec n'importe quel show. Ouais, mais je pense que ça marche avec nous, vu qu'on parle tellement de style d'affaires anodines, de calice. Les épisodes de glissade d'eau, ils fit. Genre, c'est avec lui, je l'ai essayé en premier, puis ça fit vraiment, vraiment bien. Mais n'importe quel épisode, ça marche, là. C'est-tu ceux-là qui sont avec des noms comme Pepsi, puis 7-Up? Ah, c'est lourd, mais c'est tellement drôle. Sérieusement, là, j'en écoutais vraiment longtemps comme ça. Moi, ouais, je vais mettre des extraits. Je vais mettre des extraits de vraiment... C'est des vieux épisodes ralentis. Ouais. Ah, c'est malade. T'as-tu qu'une journée s'est passée? Non. Pas fil. Mais t'as-tu déjà été là plus qu'une journée, toi? Non. Ouais, mais non plus. Qui va là plus qu'une journée? Ben, je sais pas. Ben, même parle toujours dit que le camping là-bas était cher en crise. Fait qu'on n'allait pas. On n'allait pas au camping, là. Moi, j'aime mieux aller l'hiver que l'été. Ouais. J'aime pas tant ça que ça dos pour vrai. Ouais, surtout qu'on dirait que c'est... Soit que c'est pour enfants, soit que c'est trop épique. Pour moi, en plus, je suis vraiment moumoune là-dessus. Ah, man, moi aussi. Toi, ça va être bon, hein? Fait qu'on risque d'entendre souvent ça. Ouais, ben... Un peu de misère. Pis ça va... Je sais pas comment ça va sonner. Ça se peut que ça sonne un peu plus les fesses, parce que, bon, je rappelle qu'on n'a pas un setup incroyable. Fait qu'on amène chacun nos micros, pis ça bleed que le tabarnak, là, ce qu'on a dit. Ouais. C'est pas des beaux micros studio de qualité. Hey, Finn, hein? Ah, elle est vraiment fine. Elle est très une commode. Elle est bien blood. Elle est blood. Ah, elle parle à rien en fin de semaine, elle est bien blood. Qualifier la reine de blood. C'était la même affaire quand j'étais jeune. Ouais. C'est les mêmes plugs. C'est les mêmes crises. C'est les mêmes hosties. Oui, je pense qu'il y en a. Ah, sûrement. Je pense qu'il y en a. Oui, ils vendaient des cassettes quand j'étais allé. Je me demande s'ils en ont pas, en tout cas s'ils ont arrêté, je me demande c'est quand qu'ils ont enlevé les cassettes. Ouais. Tu sais, je me demande, je serais curieux de savoir c'est quand la date de la dernière cassette, si un Rossi était vendu ou enlevé de la tablette. OK, check bien le sujet chaud de l'heure. Okay. Tu sais qu'il y en a qui appellent Hochelaga Maisonneuve Oma. Ouais. Ben, devrais-tu appeler l'émission Troma, Trochelaga Maisonneuve? Je pense que oui, ça serait meilleur. Nice. Bon, ben, hey, c'est réglé. Te rappelles-tu de la fois qu'on a été dans un épisode de Troma? Hey, oui, j'avais oublié ça. Ouais. On met... Mathieu! Ah, mais attends, c'est quoi? Ok, attends, c'est lequel? Il est en train de mourir! Dépêche-toi! Tiens! C'est pas un scalpel! J'ai plus sa voix. Coupé! Hey, pourquoi? C'est pas... Moi, je regarde le scénario, pis ça correspond pas tant que ça à ce qui est écrit dedans. Ouais, mais c'est écrit scalpel, c'est pas une image de scalpel, je sais pas c'est lequel. Mais scalpel, c'est le petit couteau fin, là, Chris, tu penses c'est quoi? Ah, tu penses-tu que c'est... Ah, mais il y en a genre 6. Scalpel, c'est pas quelqu'un qui s'enlève les cheveux avec une pelle? Ok, fait que c'est lui? Allô? Non, pas toi, je pointe un couteau. Ouais, ok, c'est ça, prends-lui, okay. Prends-lui là, puis là, faut que tu sauves le gars. Que le comédien qui fait le gars qui est en train de souffrir, il vaut quand même cher, je sais pas si tu connais, Stéphane Demers, le comédien. Ah. Joue des méchants des fois. C'est rare qu'il fait des gentils. Il y a vraiment une phase de businessman qui t'impliquerait dans une fraude. Ouais. Ben bonjour, c'est... monsieur. Ben salut tout le monde. Ok, on prend tout le monde en 7, ça tourne. Aide-moi! Donne-moi le scalpel! Ok, lui. Tiens. Ok! Shake! Ouvre-les! Ok, attends. De où à où? Son ventre! Ok, tiens. Ouais, c'était-tu correct? Tu l'as tué! Allô, c'est moi, j'arrive dans la scène. Hey Mathieu, hey, t'es rendu médecin? Ouais, mais je pense que je me suis trompé, puis c'était un vrai scalpel, ça se peut-tu? Il bouge plus beaucoup, Stéphane Demers. Ouais, ben c'est correct, parce que c'était mon plan. Ah, c'est vraiment un bon acteur, hein? C'était mon plan pour s'en débarrasser, puis qu'il n'y en ait qu'un seul Stéphane Demers, puis là c'est moi, le gars des sorbets. Nice. Fait qu'il est officiellement mort. Ça finit là. Hey, ça c'est quand tu dis un plot twist incroyable. Ouais. En plus, c'est arrivé tellement genre « Ah, ouais, c'est moi! » Ben, on s'est déjà dit que la règle des personnages, faut dire « c'est moi » puis dire son ouais, nom après. Là. C'est ça le truc, là. Ouais. Mais là, on sait pas, c'est mélangeant parce que là, c'est peut-être lui qui jouait le mort. Ou c'est toi, ou c'était une ben, pièce ça. De théâtre sur une pièce de théâtre. C'est ça, exact. On sait pas, là. On était encore dans la pièce, là. Oh! Sait-on jamais? Oh, sait-on jamais? Tu sais, c'est sûr que en plus, les gens, la semaine passée, ils devaient être comme faire « Waouh, enfin, Donjon de Rano revient. J'ai hâte à la suite la semaine prochaine. » Est-ce qu'on s'enligne pas pour avoir un ton de personne que ça leur tente de faire ça? Ben, on peut le faire, ça me dérange Man, pas. Ça va être ta mère du tabarnak. Ça va être comme « Bah, là, il y a un tuyau, là, Chris, puis... » Là, j'ai préparé de quoi, tu le fais pas, attends, Chris? Ok, un nouveau jeu de Donjon Dragon. Ben, ça sera pas Donjon Dragon, là, ça va être... Donjon et amertume. Non, déprime et soupir. Tiens. Ok. Fait que, mise en scène... C'est toi qui es le déprime master, là? Ouais, c'est ça. Ok. Fait que, mise en scène... Fait que t'es assis dans ton appartement, les lumières sont fermées, t'écoutes la télé, c'est genre les infopubs. Ok. Puis en gros, ton but, c'est ça, c'est de surmonter ta déprime. Parce que là, t'es plus sûr de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis c'est un peu lourd, t'as pas de blonde, tu te sens un peu seul, tes amis te parlent pas souvent. Fait que là, t'es assis sur ton divan, t'écoutes la télé, puis ton but, c'est de réussir à faire quelque chose de positif, fait que de remonter un petit peu plus ton bien-être. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, j'imagine que l'idée que tu vas prendre, c'est des dés où il y a rien que des 1 et des 2 dessus. Ouais. Parce que tu sais, ça a beaucoup de volonté. Yep. Ok, ben là, j'écoute la télé. Là, je me dis, faudrait peut-être que je considère de fermer la télé pour faire d'autres choses. Ok. Fait qu'attends, tu vas faire un test de will? Eh non! Au contraire, tu montes un peu le son pour enterrer tes voix en dedans de ta tête. Ben tes voix, tes pensées. T'es pas schizophrène ou quoi que ce soit. Ouais, pis ça se révèle pas trop tout de suite, là. Pis là, attends, je fais un check. Ok, phew. Ça reste sur des infopubs qui t'intéressent pas tant que ça. Ok. Fait que les infopubs m'intéressent pas tant que ça, fait que je sors mon téléphone pis je regarde mes notifications. Ok, attends, on check quelque chose. Oh non! Ton téléphone n'a plus de batterie. Ah, correct. Fait que là, il ferme juste quand tu vois qu'il y a peut-être un ami qui allait t'envoyer un message, mais là, t'as pas eu le temps de finir de lire. C'est juste écrit, en fait, « Hey, faudrait qu'on... » Fait que là, tu sais pas s'il faudrait que tu parles... Faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on fasse quelque chose, fait que là ça te stresse un peu, mais tu sais que t'as un fil pour le charger, mais tu sais, il est pas proche de toi. Il y a rien qui est proche de toi en fait. T'es juste allé t'asseoir là en te levant. Chris, pourquoi j'ai donc bien mal fait ça, pourquoi tant qu'être de même, pourquoi j'ai pas tout mis proche? Ben pas, ça demanderait un effort pis tu l'as pas fait. Tu y as pas pensé. Ok, ben je vais. Je vais aller comme dans la cuisine ou chercher quelque chose à manger, mais pas. Tant motivé que ça. Ok, attends. Ah! Non, juste le fait de passer et de te lever, ça te tente pas vraiment. Tu te dis, bah, j'ai pas si faim que ça. Fait que tu restes assis. Ok, je reste assis, puis je check dans les craques du divan, voir s'il y a pas des miettes de quelque chose. Ok, attends. Ah! Non, puis il y a un petit bout de chip qui rentre autour de ton ongle. Hey, ça demande tabarnak. Fait que là, en plus d'être déprimé, t'as gruge fâché. J'ai le gruge fâché. Ok, c'est bon. Attends. Ouais, c'est bon. C'est un bon bout de chip. Ça te fait du bien. T'as un petit peu... Ça allège un peu le... De plus que juste... En plus, la douleur que... Le fâcheur que ça t'a donné de la douleur. Fait que tu te sens un petit peu mieux. Mais là, ça me donne-tu plus le goût de manger d'autres choses? Bah, tu peux essayer. Ça m'ouvre-tu l'estomac? Tu, quand tu dis l'appétit ouais. vient en mangeant? Un petit peu. Ok, ben, je vais réessayer d'aller dans la cuisine. Ok. Non. En disant, en plus, tu regardes, tu te rends compte que t'as oublié de se ranger le lait la veille, fait que t'as plus de lait. Ah, calice. Ça te met en calice, fait que là, t'es... ouais, j'ai encore plus fâché. Ok. Ouais. Là, mon téléphone, il est down. J'ai-tu... qu'est-ce qu'il y a autour de la télé? À côté de toi, il y a une petite table de chevet, il y a un verre d'eau. Il y a un tiroir aussi sur la table de chevet. Puis sinon, à portée de main, il n'y a rien d'autre que... Il y a la télécommande. Ben, en fait, tu te rappelles d'avoir amené la télécommande? Mais t'as vois pas sur toi. Ah, ben c'est ça, je l'ai. J'ai monté le volume tantôt. Parce que okay. Ben, elle doit être tombée ouais. quand j'ai fouillé dans les cracks. Je vais checker comme autour... peut-être elle était peut-être tombée autour du fauteuil à terre, genre. OK. Check. T'as vois pas à terre. Je check dans les cracks. Oh. Ce coup-là, c'est un... Tu pognes un 10 cents. C'est tout. T'as rien trouvé d'autre. Tu trouves pas la télécommande. Fait que ça te met en crise un peu. Parce que là, t'as regardé des deux côtés. Pas. Ouais, OK. Ouais, mais j'ai-tu regardé dans le fond? Attends, tu vas regarder dans le fond, là. Oh! Ben oui, toi, la télécommande est là, puis en plus, il y avait une bortante. Tabarnak, qu'est-ce que c'est? Ben, okay. Là, ça me met quand même une petite coche pas pire, là. Ben. C'est quoi la sorte de bortante? C'est au chocolat, en plus. Ben, crème, là, si tu m'aurais dit genre granola... Ah non, ça commence à faire ta journée. OK, OK, bon, ben... là, plus... Je prends ça comme un signe de trouver une bortante, fait que je ferme la télé avec ma télécommande. Ah, attends. OK, c'est bon. T'as fermé la télé avec ta télécommande. OK. Là, je me dis, là, je vais aller... Ah, là, j'ai déjà mangé. Ben, je vais manger ma bortante. OK, attends. Tu manges la télécommande. Tu manges la bortante. Ça aurait été malade. Non, tu manges la bortante, mais finalement, elle était un peu sec, elle était vieille, fait que c'est genre... C'était, tu te ramasses un peu neutre. T'es comme, OK, ouais. Bon, moi, j'ai plus faim. Non, c'est t'as moins faim. OK. La télé est fermée. Je vais... Je suis plus proche de mon fil? Il serait où, mon non. fil? Faut-tu que je le cherche? Ouais, c'est dans ton appart. En gros, t'as le salon puis t'as ta chambre. Il est dans ta chambre. Ah, je peux-tu aller dans ma chambre? Ouais. Puis là, tu y vas, t'ouvres la porte. Puis là, tu vois que t'as pas fait le ménage depuis vraiment longtemps. Il y a un peu, genre, il y a des verres... Il y a un peu de verre d'eau, genre 2-3 partout avec un... juste un petit peu... Un petit fond d'eau. Ouais. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Il y a plein de linge. Ça pue un peu. Fait aussitôt, ouais. ça te... Genre, t'es comme, ah, Chris. J'aurais bien pu ramasser, mais non. Tu sais que tu le feras pas tout de suite. Ouais, non, pas le temps, là. Fait que là, tu cherches ton fil. Ouais, moi, il est à côté de ma table de chevet. Attends. J'ai-tu une table de chevet ou c'est genre un box de bière vide? Non, tu le vois pas tout de suite. Fait que là, genre, tu sais qu'il va falloir que tu fouilles un peu dans ton linge sale un peu partout. Ben ouais, mais comment ça, si je l'ai pas chargé hier? Ah, tu l'as oublié, c'est une autre pensée qui fait que t'es de plus en plus down. Non, mais plate la vie, tannée. Ouais. Bon, ok, ben je vais. Mettons la pile de linge la plus proche, je donne un coup de pied dessus. Et attends. Ton chat était dedans, ça y brise une patte. Fait que là, tu sens genre vraiment mal. Oh, calice. Peux-tu prendre le chat? Ben, t'essaies de le flatter, mais là, il va se cacher en dessous du lit. Bon. Parce qu'il a peur de toi. Ah, c'est ouais. Ben là. Ah, clairement pas la motivation de. Il va s'en remettre, je pense, là. Ah, tu te sens crissement mal. Je me sens mal, mais veux-tu assez pour faire de quoi pour lui ou. Ben, tu peux essayer. Ok, je vais en dessous du lit. Ben, je vais pas en dessous physiquement, mais je vais regarder en dessous du lit. Ok. Ah, tu regardes, le chat il est quand même pas si loin, il est à portée de main. Il a l'air de s'approcher tranquillement vers toi. Ok, ben je tends ma main, tu sais, comme semi-dinzer pour qu'il s'approche lui-même. Ok. C'est bon, il te laisse approcher, puis là tu peux flatter le dessus de la tête. Il ronronne okay. un peu. Mais tu vois, tu sais, il tient sa patte un peu levée. Ok, ben je le flatte un peu pour qu'il soit moins okay. stressé. Ça marche. Tranquillement, il s'approche. Ok. Je peux-tu prendre le chat? En essayant de le prendre, tu rentres un doigt dans l'œil, puis tu raccroches sa patte. Il s'en va, puis il pleure. Genre, tu vois, tu sais, il est comme un. Ah, là, fait que là, il est encore plus loin, puis là, t'as de la misère à aller le chercher, puis là, tu sens encore pire. Non, mais là, j'ai essayé, là. Attends. Est-ce que tu blâmes toi ou le chat? Tu blâmes toi. Ah là, ben là, ok, je vois. Vu qu'il est comme. Mon lit, il est collé sur le mur, genre? Ouais. Fait que là, lui, il est comme dans le fond, collé sur le mur. Yep. Peux-tu décoller mon lit du mur? Ouais, tu peux essayer. Pour essayer de le pogner. Ok, attends. Et quand tu rends le lit, tu fais bouger ta table de lit qui fait tomber un verre d'eau. Puis là, le verre d'eau, ça mouille genre le livre que t'étais en train de lire. Fait que t'avais commencé, voilà un bout, pis tu disais que t'allais finir, pis que c'est quelqu'un qui t'avait prêté. Puis en plus, là en plus, ça fait peur au chat qui part à la course dans le salon, pis qui va en dessous de la chaise de ton fauteuil. Pas en dessous de la chaise de mon fauteuil. La chaise de ton fauteuil. J'ai reconnu les fauteuils, des fois, ils ont besoin de s'asseoir aussi. Ouais. Ben là, je fais comme en crisse le livre, j'essaye de sauver le livre. Ok. Tu fais quoi? Ben, je le prends. Puis je l'esponge avec du vieux linge. Ok. C'est bon. Ça fait pas grand chose, mais c'est tout. Ok. Comme le livre, il reste tout tordu encore. Ben, je peux-tu. J'ai pas un fan dans ce chambre-là? Pas dans ce chambre-là, mais peut-être quelque part dans l'appart, il y a un garde-robe. Je peux-tu le mettre dans mon inventaire? J'ai-tu un inventaire? Ben, tu peux le traîner avec toi, là. Tu peux le garder dans tes mains. Ok, ben, je vais le garder dans mes mains, mais là, ça a-tu fait. Ok, ben, je prends du vieux linge, je ramasse le reste de dégâts d'eau. Ok. Attends. Ouais, c'est bon. Ok, mais je laisse tout ça là parce que je dois pas être si motivé que ça. Là. Non, c'est ça, non. Je vais aller dans le salon voir où le chat. Ok. Tu t'avances dans le salon. T'avances puis tu t'enfarges dans un gros chandail qui était à terre. Là, genre, tu fais comme t'agripper sur le fauteuil, mais c'est un fauteuil berçant. Là, t'entends. Ring! Parce qu'il y avait le chat était en dessous puis ça l'a un peu écrasé. Hey, ce chat-là survit pas cette aventure-là. Là. T'es pas si habile. Non, c'est ça. Ok, ben là, je dépose le style livre tout tremble quelque part, puis là, je check le show, c'est correct. Ok. On fait un cliffhanger, là. Ok. C'était ça. Comment ça s'appelait? Déprime et soupir? Ouais. C'était Déprime et soupir qui est un... ouais. Mine de rien, raconter, c'est le fun de raconter une histoire avec les éléments au hasard. Comme de juste tirer le dé pour voir si ça marche ou non, c'est quand même le fun. Sais-tu, tu sais, je sais que je joue pas trop bien, mais je joue à peu près comme si tu t'attendrais à ce que je joue. Ouais, oui. Genre, tu fais pas comme Calis, il va jamais où est-ce que je pense qu'il va aller ou. Non, non, ça va. Je veux setuper des affaires puis ça marche là, pas pantoute. Si... je setup pas grand chose, il y a rien de prévu. Fait que c'est pas trois semaines, ça faisait trois semaines que tu avais développé cette idée. Ouais, c'est ça. C'est mon. Ouais, c'est là-dessus que je travaille tous les soirs. C'est ce scénario-là. Ouais, ça apparaît. Ben, tu voyais qu'il y avait quand même. Une trame narrative soutenue. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Clairement. Là, ce qui est le fun en plus, c'est que là, en plus, le monde, en plus d'attendre la suite de Donjons et Drano, ils vont attendre la suite de Déprime et Soupir. Ouais. Comme ils attendent la suite du sitcom de Sauce. Ah oui, c'est vrai. Et que ça sauce. Puis comme ils attendent la suite des deux méchants en début d'épisode qui veulent nous détruire. Ouais. C'est le fun d'établir plein d'affaires qu'on poursuit jamais. Comme, oh, on est bon là-dedans. Ah oui. À part de ça, du gruau. Ouais. T'as-tu déjà appelé ça du gruau? Du gruau. Ouais. Ouais, quand j'étais plus petit. Ouais, moi aussi, puis je me rattrape encore à dire gruau. Puis je dis de la jello aussi. De la jello. Ou du jello, un ou l'autre. Je disais l'inverse. Moi, je dis du jello. Ouais, je disais de la jello. C'est pas ça? De la jello. Ouais, mais c'est du jello. Ouais, on dirait que ça me dérange moins, de la jello. Une bang, je trouve ça vulgaire, là. Une bang, ça me fait mal. Mais de la jello, on dirait... Je me demande si c'est pas quasiment mieux que... Moi, j'ai toujours dit du jello. Attends, je veux dire de quoi? Y a-tu Jello sur Forvo.com, tu penses? Forvo? Forvo.com, le site de prononciation de mots. Ah! tout le monde se souvient. Ouais, mais ils vont juste dire Jello. Ouais. Ah, y en a un. Jello. Jello. Ah non, y en a deux. Jello. Jello. Oh. Jello. T'as un mot que tu veux savoir comment prononcer? Non! Même pas un seul petit mot? Non. C'est un mot que tu veux savoir comment prononcer? Non. Même pas un seul petit mot? Non. Cool. J'ai tellement rien. Veux-tu qu'on... Ok. Veux-tu qu'on... Sais-tu ce qui marche dans les derniers épisodes depuis un bout? Non. Le rap! Veux-tu qu'on rap? Ah non. Yo! Ok, on rap de l'épisode. Ok, salut. Hey, salut, c'est l'Exode. On est beaucoup plein, les poches pleines de... D'émeraude, certain. Chaos Emerald. Hey! Hey, t'as-tu vu Sonic qui court vite? Mais c'est parce qu'il y a pogné une va vite. Il veut aller à la toilette pour aller faire des petites boulettes. C'est pour ça, il a la diarrhée. Avec son ami, c'est un renard doré. Puis son autre ami, c'est un échiné. Hein? J'ai vu ça dans Sonic le Rebelle. Il me semble que c'était ça le nom, échiné, je sais pas. En tout cas, Robotnik, il est pas fin, lui. Il a une grosse moustache, puis c'est un bovin. Ouais, c'est une vache. Pas un monsieur. Pis il laisse plein de taches dans les yeux. Pis tu peux nettoyer tes taches. Pis tu peux nettoyer tes taches avec ton CLR. Tu peux le nettoyer avec ton CLR. Tu peux l'acheter chez Walmart, Wear, Walmart, Sears, Zellers, Renault Dépôt, Ronorm Dépôt. Hey, ça finit sur un high. Ça finit sur un high. C'est la fin de l'épisode déjà. C'est pour ça que ça fait une demi-heure. Mais c'est pas grave parce que t'as tout du gold. T'as tout du gold comme un. Pold. Tu devrais genre. This faire is un mix avec juste les. les citations. Ouais, ben là, ils ont sonné comme moi qui ai une indigestion. Fait qu'écoutez ce rap là, mais à 0.5. Hey, on va sûrement faire une autre affaire. C'est pas qu'il y a rien tant que ça. Là. Ouais. Pas bien grave. Hey, tes sous-vêtements. Parlons sous-vêtements. Ouais. T'as-tu une rotation. Pas rotation de au jour le jour, mais dans vie, tu te rachètes-tu souvent des sous-vêtements? De qualité. Moi, c'est tout le temps genre des plus neufs aux plus vieux. Ouais. Puis là, aussitôt que je suis rendu un plus vieux, faut que je les lave. Je sais qu'il en faut absolument que je fasse une brassée. Ok, fait que c'est pas. Ok, fait que c'est. C'est-tu juste par sorte, tu sais que ceux-là sont neufs ou t'as vraiment comme un classement, celle-là c'est la plus neuve puis... Non, c'est juste par sorte, là. C'est genre, j'ai acheté tel paquet puis ben, je les achète en paquet. Tu les achètes, t'achètes pas ça à l'unité toi? T'es fait pas? Non. Oh, tu ne les fais pas? Mais, mettons, c'est quoi l'intervalle d'achat de sous-vêtements? Ça dépend, trop longtemps je pense. Moi aussi. Man, ça peut être un an. Genre. C'est un an, un an et demi, deux ans facile. Ouais, je roule ça. Sur des vieux sous-vêtements longtemps, ils ont plus d'élasticité, ils sont lourds sur le tabarnak. Il y en a qui ont des trous. Je les lave quand même, là, mais tu sais, ils sont quand même... c'est quand même des vieux. Ça, j'ai des sous-vêtements genre de Noël aussi, puis je les mal année. Ouais, j'en ai plus trop ça. C'est des beaux cadeaux de Noël de même. Là. Que, ouais. Ouais, c'est ça. T'en remets-tu des sous-vêtements plusieurs jours d'affilée? Non. Moi, ça m'arrive la fin de semaine. Ben, plusieurs jours, genre le max, pas. C'est genre, ben, plusieurs mettons, jours. C'est deux jours. C'est ça, deux jours. Là, parce que troisième jour commence à faire mal, j'imagine. Là. Mais, ouais. Ou si ça m'arrive la semaine, c'est parce que j'ai pas fait mon lavage, puis je fais comme, ah, calé, c'est bon, ben, je vais mettre. Fait que ça arrive, là. Ok, oui, ça arrive une journée, mais. Pas si t'es assidu, là. Ouais. Mais je suis tout assis dessus, par exemple. Oh là là, parce que c'est là qu'on les met, les sous-vêtements, parce que c'est pas sa tête. Non. Hey, on a un appel. Oh, yallo! Allô? C'est qui? C'est Guy Sous-Vêtements! Ah, je pensais que c'était un démon au début. Hey, j'aimerais ça... tu sais, souvent dans les podcasts, ils sont commandités par MeUndies. Ben, j'aimerais ça commanditer votre podcast. Ok, vous faites des sous-vêtements? Oui, je fais des sous-vêtements! En toutes les couleurs. Des fois, c'est en rouge. Et c'est fait avec quel tissu? En laine. Ça pique pas? Non. Comment tu fais pour pas que ça pique? Ben, c'est une laine spéciale. Ah, ok. En quoi? En laine. En laine de? D'acier. Ah, c'est vrai que ça fait moins mal, celle-là. Oh, attendez, j'ai un appel. Allô? Hey, qui souhaitement c'est ta mère? Maman... C'est Jean-François Mercier. Hey, tabarnak! Ça pique! Ça pique pas Fuck it. Raccroche tout le monde raccroche là en même temps, dans le cœur. Puisque c'était bon. Ouais, c'était tout bon, ça. Ça, c'est ça, tout, ça vaut la peine de rester là. 90, on n'est pas rendu à l'épisode. 86! L'épisode 86, facilement notre meilleur épisode de l'année, je pense. Ouais. Moi, je pense, attendez l'extrait des meilleurs moments l'année prochaine, là, des meilleurs moments de 2018. Moi, je pense que ça va être... C'est l'intégrale. C'est ça, c'est l'intégrale de cet épisode-là à 0.5. Nice. Ouais, c'est un épisode... C'est... En fait, c'est ça, l'épisode a été fait pour être écouté à 0.5. Mm-hmm. Si vous l'écoutez à pleine vitesse, mauvaise idée. Si vous l'écoutez à... Mauvaise idée. Si vous l'écoutez à 1.3, sûrement qu'on parle vite, mais ça doit être très, très bon. Mm. Je pense aussi. Quelle vitesse vous écoutez vos podcasts? Ah, j'allais dire, fait que ça conclut l'épisode, mais t'as commencé une autre phrase. Ben là, si tu veux que ça aboutisse, je parle aux gens, ils me répondront pas tout de suite. Ouais. On a un appel. Ouais, écrivez-nous quelle vitesse d'écouter vos podcasts, pourquoi? On a un appel. Non. Je vais répondre. Allô, ça va du caractère mou? Hey, salut, moi, j'écoute vos podcasts à 3.8. Et quand je vous parle, ça fait... Bon, mais voilà, c'était, cool. Je suis content que lui, il nous ait appelé. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est toujours plaisant d'avoir le retour des fans. Ben oui, c'est ça. Tu vois, ça c'est clairement notre plus grand fan, là, monsieur, je sais pas qui, là. C'est peut-être un fan de Gilles Serpent. Ah, sûrement. Le meilleur, ça, ben, Gilles Serpent. Ben, qui? Gilles Serpent, c'est un vrai serpent. OK, bon, désolé, on va finir ça, là. Ouais. On tue ça. on tue ça, ce show-là, avec Facebook, Twitter, partout. Semaine prochaine, ça va peut-être pas être lundi qu'on sort un épisode. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais, vu que tu déménages. Ouais, je déménage cette semaine. Fait que là, le temps de m'installer puis de refaire des affaires, d'avoir le temps de le monter puis tout. Peut-être que ça se peut qu'on skip aussi. En tout cas, je vais vous tenir au courant. Ben, on va vous. Non, peu importe. On va vous tenir au courant sur. Vous saurez. Ouais, vous le saurez. On va le dire sur les réseaux sociaux avec la page. Et là, la page Facebook, je pense qu'on est condamné à vaciller dans les 100 likes toute notre vie. Là. Parce que me semble que ça fait 3 fois que je vois avoir 102 likes puis qu'on le perd. ça dépend de la qualité des épisodes. Cette semaine, pour moi, on tombe à 98. On se le dit. Ou à 3000. Ah, ok, ça se peut. Ben écoutez, bienvenue nouveaux fans, les 2900 nouveaux fans. J'espère que vous tripez bien raide. On aime beaucoup votre pays d'origine, la Russie. Bye. Non, ben, ah, puis ouais, c'est ça, fin d'épisode, puis ah, ouais, ben, c'est ça, là, tantôt, on a parlé de Star Wars, l'épisode 8. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est un peu... On a parlé beaucoup trop longtemps. C'est ça, c'est un peu long, puis surtout, fait qu'on l'a pas mis dans le milieu, fait qu'après le générique, ça va être le bout qu'on parlait de Star Wars 8. Évidemment, spoilers. Ouais, il y a plein de spoilers. Spoilers, puis si vous avez pas vu le film, on serait plate parce qu'on explique rien. C'est comme. Non, c'est vraiment ça. Juste nous autres qui. On va juste critiquer. Qui donne notre opinion vite là-dessus. Là, parce qu'on fait 100% opinion Star Wars cette semaine. Parce que, mettons, 20%. Puis je dis ça comme ça, mais Stéphane va dire quelque chose qui va vous époustoufler. Stéphane. Toi. C'est qui Stéphane? Stéphane de Metz. Ah, j'ai compris Stéphane. Non. Je vais t'appeler. Ben là, à la semaine prochaine. Merci. La semaine prochaine, on devrait être meilleur. J'imagine. Non, ouais. Je sais pas, c'est une promesse vide, ça, tu sais-tu? La semaine prochaine, on va être pire. La semaine prochaine, ça va être encore nous. Ouais. Je pense que c'est la seule affaire safe. Ce serait malade. La semaine prochaine, c'est pas nous. C'est deux autres personnes, puis... On le fait faire par d'autres. On le dit pas, jamais ils l'acknowledgent dans le show. Puis ils font comme nous autres. De toute façon, on se présente pas. C'est peut-être juste deux personnes. Ouais. OK, ben, s'il y a deux personnes qui veulent s'offrir... Envoyez de quoi, qu'on sort. Si vous sortez un épisode avant nous autres, on le sort. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye! T'as-tu un mot que tu veux savoir comment prononcer? Non! Même pas un seul petit mot? Non, pas un seul. T'es-tu allé voir... Hey! T'es-tu allé voir le nouveau Star Wars? Ouais. T'as-tu aimé ça? Les bouts que j'ai aimés, je les ai vraiment aimés. Ah, les ouais. Bouts que j'ai pas aimés, je les ai fait... J'ai tellement... J'étais un peu dans le même mood que là. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé ça, man? J'ai trouvé ça dumb. Ouais, c'est un peu... Tout le long, c'est dumb. C'est un peu le sentiment que j'avais. Quand je suis sorti de là, tu sais, Force Awakens, j'ai de la misère à le réécouter parce qu'on dirait que je suis plus dedans. Mais ouais. Quand je l'ai vu, j'étais hypé que le tabarnak. Puis quand je suis sorti de là, j'étais aussi ce mood-là. J'étais comme, oh fuck shit, ça s'en va quelque part. Puis ouais. Rogue One m'a fait la même chose. Puis je suis quand même pas capable de le réécouter. Lui, tout ce qui était dumb était tellement dumb fois mille. Genre, c'était tellement ridicule. Ouais. Puis il se passe rien. Genre, il se passe jamais rien. Tout arrive tout le temps quand ça arrive. Mais il en parle jamais avant. Tu sais, c'est tout le temps comme, hey, oh non, on est pris. Ah, telle affaire nous montre comment sortir maintenant. Ah! Comment on va faire pour ça? Ah! Il y a quelqu'un qui l'ouvre. C'est comme tout le temps. Arrête! C'est quoi ça? C'est juste une série d'événements. Il y a pas de... Il parle jamais de rien avant, puis il y a pas d'intrigue ou quoi que ce soit, puis... Oh my god! Mais ça faisait vraiment filler. Ça faisait... C'est weird comment, tu sais, là, c'est des films, on voit peut-être moins ça, mais tu sais, comme dans une série qui a beaucoup d'épisodes, t'as les épisodes comme... Tu vois qu'ils sont là juste pour exister, là. Ouais. C'est comme, OK, là, ils vont dans un parc d'attractions pendant que l'autre s'en va dans... ils font une histoire, tu sais, tu vois qu'ils sont comme trop in character, mais que ça existe juste pour dire qu'il y a des épisodes de plus, là. C'est genre saison 8-9 de The Office, mettons, là. Puis ça filait de même un peu comme, tu sais, ça, puis on dirait que, tu sais... Il y a rien qui se passe, on dirait. Il y a rien qui se passe, puis ils cock-block des trucs qu'ils ont établis dans le premier... Comme... Ben dans le 8, dans le 7, excuse, dans Force Awakens, mais tu sais, genre, dans Force Awakens, ils répondent pas à beaucoup d'affaires. Ouais. Puis, tu sais, c'est vrai qu'il copie un peu trop l'épisode 4 là, dans l'intro narrative. Ouais. C'est comme si quasiment copié-collé, mais ça me dérangeait pas parce que je me disais. C'est rien. Non, mais c'est ça. On s'échappe. Mais genre, ouais. En tout cas, je veux pas trop parler longtemps de ça. Là. Tout le monde a entendu parler d'un fois 1000, tout le monde a leur opinion là-dessus, là, rendu là. Mais, ouais, non, je sais pas. Je suis curieux de le revoir, par exemple, mais je sais pas. Je sais pas encore quoi penser. Long, en plus. Ouais, puis les blagues sont tellement genre. Qui genre ça ressort tellement pas bien, c'est genre juste ça start avec la grosse blague de genre tu sais qui fait comme s'il l'entendait pas sur la radio, pis t'es comme ça a ben pas rapport là. Comme ça fit, puis en plus il essaye d'être hyper dramatique une minute après puis c'est genre trop dramatique avec du monde que tu connais pas, puis t'es comme pourquoi c'est si long genre. Mais la scène qui tu sais qui l'entend pas, puis c'est comme le gag. Je trouve que ça fit avec le personnage de Poe, mais que ça fit pas avec le personnage du méchant. Ouais, t'sais, aussi. Poe, il y a ce ton-là un peu, puis tu veux jouer là-dessus, c'est correct, mais là, tu t'en scrapes un autre pour ça. Ouais, bon, c'est okay, ça, c'est ça, c'est que c'est pas, sont pas, une pas bonne bien idée, placés. Là. Mais on dirait que c'est ça tout le long. Ouais, c'est hyper maladroit, je trouve. Ouais. J'ai l'impression, c'est genre, toutes les, tu sais, les renards de glace, ou ben les de sel, puis les porgs, c'est ça? Tu sais, les porgs, je sais, c'est parce qu'ils pouvaient pas... Les minions, là? Ouais, les genres de petits bonhommes. Genre, on dirait que c'est genre, on se crisse vraiment beaucoup des personnages. Fait que là, genre, on s'en fout que ça va exploser ou non. Faudrait mettre quelque chose de cute pour que le monde fasse ça. Oh, non, je veux pas que ça explose. Ouais. Hey, mais là, t'étais pas attaché à la fille aux cheveux mauves, là? Hey, qui donne sa vie. Hey, là, je t'en ai spoilé, désolé, ouais. Là. Hey, elle donne sa vie, elle. Tu sais, parce que t'as eu le temps de t'attacher à ce personnage-là qui a vraiment un développement intéressant dans le show, là. Ouais, ils font juste « Hey, con » jusqu'à la fin. « Hey, puis con ». Mais okay. J'ai pas compris. C'est quoi ça? Pourquoi qu'il y a un moment sentimental avec elle? Pourquoi qu'elle... C'est qui? T'es qui? Non, mais c'est ça. C'est comme si ils ont fait « Hey, à quel point on est obligé d'avoir des contextes pour les événements? » Fait que c'est juste genre... Ils font pas douter, ils font pas comme « Hey, peut-être qu'elle fait ça pour quelque chose. » Mais c'est juste « Bah, hop, oh, elle a changé. Oh! » Il est arrivé ça, t'es comme ah, t'es quoi? Puis dernier truc, ce que j'ai, genre, je pense que c'est ce qui est, c'est l'exemple parfait du ton général. Tu sais, c'est la planète, tout est blanc, puis en fait, Chris, ça ressemble ben trop à de la neige. Mais genre, comment on pourrait montrer ça? Mais fait que quelqu'un goûte au sel puis qu'il dit c'est du sel. Genre le gars, ils vont se faire tirer dessus, un gros truc qui arrive, le gars, salt. Quoi? Ah, en tout cas, j'ai pas aimé ça. Mais c'est le truc que t'as aimé. Ah, est-ce que, ok, ce que je vais faire, je vais mettre le bout qu'on parle de Star Wars après le générique. Ouais. Comme ça sera pas lourd en plein milieu d'épisode. Puis là, on dirait que j'ose pas en parler, puis je vais pas être lourd, mais là, ça sera le fun d'en parler pour vrai. Je vais le mettre après le générique, puis comme ça, puis je vais préparer. Ouais, préviens les spoilers, comme ça, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Mais ouais, ça, j'ai trouvé ça dumb. Ben, y'a-tu des... C'est comme... Ah, Luke qui arrive, en tout cas, je sais pas, non, j'étais pas dans... Mais tu sais, j'étais pas dans le mood pour aimer ça. Fait qu'il y a rien, il y a aucun bout que t'as aimé ou que t'es sorti de là, t'as fait comme, ok, ça c'était cool. Le bout avec le Sith Lord qui se fait tuer. Je sais plus c'est quoi son nom, on sait même pas son nom vraiment, on le sait, on le sait. Mais ça c'est un de mes autres reproches aussi, genre lui, comme, ah c'est un méchant, on sait pas encore c'est qui, Là, on, il l'a pas trop établi encore, c'est ça. Il existe plus, il est plus là. Ouais. Ok, mais pourquoi? Ah non, pis, Phasma, même que... chose. Ah, Phasma ouais. méchante. Ok, là, elle meurt tout de suite. Ouais. Ou Ray qui va dans le vaisseau méchant en sortant de l'escape pod ou quelque chose du genre. Pis t'es comme, pourquoi? Genre, elle est déjà arrivée ou ben. quand Finn pis l'autre fille, ils s'échappent. Pis c'est genre, tu vois pas trop comment ils s'échappent, mais ils arrivent avec le vaisseau dans le garage. Ils sont comme, on est correct. Ouais. Mais tout le monde autour est mort. Toute l'histoire de Finn pis de ses Rose, son nom, ça, c'était okay, horrible. Oui, c'est ça. Ouais. Tout ben, ça, je comprends pas. Tu vois qu'ils ont fait. Ouais. Ça fait B-story cheap. Ouais. De, mais c'est. Ouais. Ils savaient pas quoi c'est faire, là. Ils l'ont écrit une fois pis ils l'ont pas relu. Et des fois, ils ont fait, ah, Chris. Puis au lieu de réécrire, ils ont juste rajouté un truc. Tu sais, mettons BBA qui va dans le vaisseau quand tout explose. Puis au lieu qu'il meure, ils font juste revoler en avant de la caméra. Point. Peu importe, il était où dans le garage, il arrive là comme ça. Là, t'es comme, c'est si que c'est dumb. Mais c'est je pas... sais qu'il y a des affaires que ça vient de ma mauvaise foi en l'écoutant. Ouais. Mais en général. Mais c'est un peu le feeling que tout le monde a quand t'en parles. Là. C'est genre aussi que t'es comme, tu trouves pas ça dumb? Ouais. C'est ça, c'est un peu ça le sentiment partagé. Puis tu sais, c'est pas. Je suis pas fanboy de Star Wars. J'aime bien Star Wars, mais j'ai pas comme. Je suis pas le gars qui va être ultra piqué sur des affaires narrativement. Puis là, t'as l'affaire, là. Puis tu sais, mais lui, anyway, je connais pas assez ça. Mais c'est ça, mais c'est même pas comme en tant que Star Wars. Parce que dans Star Wars, si tu mets les films sur un standard quelconque, il y a pas mal plus de mauvais que de bons, là, tu sais. Fait que. Ouais. Sauf. Mais ça avait son univers. Genre, moi j'ai l'impression en plus que lui, ça aurait pu être n'importe quel autre film. Genre dans n'importe quel autre univers, ça aurait été ouais, pareil. Il y a ça, mais c'est ça. Mais en plus, si tu le traites comme un film qui est pas dans une série, même ça, ça a beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Tu sais, même ouais. Tu sais, enlève le lien de ce que ça fait avec l'univers Star Wars ou ce que ça fait pas ou peu importe. Il y a plein de flaws juste dans la narrative de ce film-là fermé, ouais. Tu sais, qui marche pas. Là. Un autre truc, Finn qui genre. Le genre de Stormtrooper, mais en chrome, qui est comme... Phasma, ouais. Ah, c'est ça, c'est... Ah, mais c'est... OK, c'est ça, son nom. Ouais. Il abat, mais c'est genre, c'est pas lui qui abat, c'est parce que ça explose, puis c'est genre... Ouais. Chris, que c'est BS, ça a pas de bon sens. Ouais, puis c'est comme... Chris, et Chrome Dome! C'est comme une autre affaire, un autre style d'affaire établi qui est déjà fini, puis qui est comme... Ah, Chris, ils ont rien fait d'intéressant avec. C'est ça qui est poche. Le set était comme... On dirait que tu pouvais le pardonner parce que tu disais « Ah, c'est pas grave, ça set up d'autres choses. » Ouais, ouais. C'était aux autres que ça va se passer. Puis là, on dirait qu'ils ont tout enlevé les setups. Là, il y a comme... Puis je me demandais à la fin du film, Chris, qu'est-ce qui reste? Genre, c'est... Pourquoi je... Tu sais, là, je veux savoir la suite. Qu'est-ce qui se passe avec Kylo puis Rey, les deux personnages que j'aime le plus, qui étaient bien exploités dans ce film-là. Ça fait CW, je sais pas. Je trouve que c'est genre... C'est l'impression que tu peux résumer le feeling général à quelqu'un qui fait « Moi, si je suis capable de faire un Star Wars. » Ouais. Mais... Genre de... Mais genre, pour... il a écouté les films une fois puis il a fait un film avec. Mais les qu'est-ce que t'as pensé de Leia qui flotte dans l'espace? Ah, oh, Chris, c'est Mary Poppins. Non? J'ai pas. C'est-tu qui était ridicule? Puis tu sais, Sarah qui écoutait, tu sais, puis qui aime vraiment beaucoup Carrie Fisher puis qui avait vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle faisait dans ce film-là puis tout. Puis t'es en train de lire un des livres qu'elle a écrit d'ailleurs. Elle était déçue de cette scène-là. Ben, là, en fait, comme, elle a l'air ridicule. C'est ben, c'est ça. C'est comme tabarnak. Voyons que. Si je comprends pas. Ah, en tout cas. Ouais, je comprends. C'est... Tout ce film-là, je comprends pas. C'est qu'il y a pas eu. Mais c'est bizarre parce que c'est Disney. Normalement, il me semble. Il retravaille à fond. Mais lui, on dirait qu'il a... Ils ont pas écouté ou ils ont pas montré. Ben avant, oui, mais en même temps, il y a pas le. Ouais, je sais pas. Tu sais, je suis pas. Parce qu'il y en a trop. Il y a trop de trucs pour que ça soit pas voulu. Je sais pas. Genre, c'est impossible que ça ait pas. Genre, que personne ait dit méchant ou ben de quelque chose contre ça avant. Genre, qu'il soit capable de le refaire. Je sais pas. Je sais pas. On dirait que c'est trop. Puis, ouais, il y a. Je sais pas. C'est bizarre. Comment c'est ça? On dirait que tu reconnais personne. Pas tu reconnais personne jamais, mais c'est. Ça file, c'est juste un personnage de Star Wars. Tu sais, même. Ouais, ils se donnent tout dedans. Tu sais, c'est genre. Leila, puis la fille aux cheveux bleus qui est comme. Oh, Po, il est tellement dangereux. Puis il arrête pas de décrire son archétype de personnage tout le temps. Ouais. C'est comme. Ouais. Arrête de. Genre, sont trop. Pas méta, mais genre auto-référentiel, comme le Chrome Dome. C'est comme. Ben oui, mais c'est genre la personne qui t'a super. Genre, attaqué, puis. qui comme tout, pis c'est genre, c'est juste une blague pour les, genre, le monde qui écoute le film, pas pour toi, genre. Je sais pas, c'était bizarre. En tout cas. Trouves-tu qu'il y a-tu de l'humour qui a marché? Ou ça avait pas sa place jamais? Bon, les... Je parce que moi, pas, Luke qui crisse le lightsaber à bout de bras au début, genre, qui est comme la suite directe du set, j'ai trouvé ça, ouais. J'ai trouvé ça cool, pis j'ai fait comme... Ah, Chris, c'est... Tu sais, il devrait pas faire ça. Tu sais, ouais. c'est ridicule, mais juste le fait qu'il ait osé le faire, comme... Ah, pourquoi pas, tu sais, pis tu sais, qu'il y a beaucoup de l'histoire du film qui est basée sur le fait de, justement, ah, là, de détruire ce qui est établi, tu sais. Sauf que... Mm-hmm. Pis, sauf que, me semble, ils reconstruisent rien. Tu sais, en tout cas. Ouais. Mais j'avais aimé... Moi, j'avais aimé ce bout-là. Ouais, un peu. Mais c'est genre... Ouais, c'est... Parce que c'est pas... Parce que si ça avait pas été Star Wars, ça aurait été correct. Ben, ça aurait... Non, ça aurait pas été un bon film du tout. Ouais, non. Ça aurait pas été Star Wars, ça aurait été rien. Ça aurait été juste un mauvais film. Là, tu t'appliques des personnages déjà établis un peu avec un univers que le monde aime. C'est quoi que ça, ça fait à Rey, déjà, d'être allé en bas et d'avoir vu plein de réflexions? Je me souviens plus. Je m'en rappelle pas. Je m'en souviens pas non plus. Non, je m'en souviens pas. Ah, je pense qu'elle fait juste dire « Ah, oh, j'aurais dû avoir peur, mais non. » J'aurais juste parti. Peut-être. Il y a sûrement du monde qui connaissent plus ça, qui sont un peu plus fans, qui vont faire comme « Chris, vous en parlez donc ben mal, vous comprenez pas. » Ouais, c'est ça. Désolé. C'est ça, vous comprenez pas. Tu sais, je l'ai vu juste une fois, là. Mais tu sais, c'est puis comme les blagues, je pense. Je m'en souviens pas trop. S'il faut que quelqu'un te l'explique pour comprendre, tu sais, genre, en général, tout le truc, c'est que c'est bon. Ouais. Mm. Parlant de Star Wars, vous irez lire. Il y a dans un des épisodes de Jamais Content sur YouTube. Je sais pas si vous écoutez vos podcasts sur YouTube. En tout cas, j'espère pas. Parce que c'est pas là, c'est pas la place. Jamais Content, ils mettent sur YouTube. Puis un de leurs épisodes qui parlait Star Wars. Il y a un des épisodes où il y a comme une grosse guerre de commentaires de Star Wars. Ah ouais. Dans tu sais, genre, ils ont jamais. Par moyenne sur YouTube, leurs épisodes ont peut-être un ou deux commentaires. Dans un de ces épisodes-là, il y en a comme 20, c'est un back and forth entre Gab et un autre gars, puis ils s'ostinent sur des affaires, là, c'est quand même... Ok. Puis eux, ils ont-tu aimé le nouveau film? Me semble que semi. Je m'en souviens pas. Écoutez votre... C'est pas notre show, là. Écoutez, là. Ouais. Mais c'est ça, je sais... Il va falloir que je le réécoute, parce que je sais que j'ai juste... Il y a plein d'affaires que c'est... Genre, j'aurais pu facilement aimer plus ça, si ouais, non, voulu. C'est ça. Mais moi, là, j'ai plus d'attente. Ben, j'avais pas tant d'attente, mais j'avais quand même... Mais tu sais, je partais du set. Que j'étais quand même satisfait, fait que j'étais là, mais tu sais, le réécouter sans attendre, puis en sachant que des affaires arriveront pas, puis d'autres affaires arrivent, c'est de le voir d'un autre. Pis... Le casino! Ouais, tout ça, c'est... Carlis! Ils ont libéré, mais au final, tu sais rien, c'est genre... Ils ont libéré juste parce que c'est genre... C'est parce que ce que j'ai trouvé, en général, dans le film, que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont juste essayé de piquer tes sentiments sans rien construire, genre. Ouais. Tout en juste des... Ah, de la pitié, tiens, on les libère. Ouais. Ou, ah, on te fait rire, mais ça tient jamais à rien. Ben oui, la fille aux cheveux mauves, ah, ben là, fait rien, mais là, elle meurt. Fait que soit triste parce qu'elle sacrifie pour tout le monde, tu sais. Puis ça start comme ça aussi, c'est genre la fille avec les bombes qui est comme, ah, oh, oh oui, là, maintenant, je tiens mon médaillon, ça va faire tomber la manette. C'est comme, arrête. Est-ce que ça, moi, j'haïs ça, le pandering ou genre, aux émotions juste. Comme ça, c'est genre cheap. Je trouve que c'est comme le fast-food des émotions, si on veut. Mais surtout, à Rose, en tant que personnage, ça sert à quoi qu'elle ait une sœur morte? Rien! Fuck all! Ça fait juste comme montrer qu'ils ont essayé de faire comme Sumo où elle sert à rien, elle. Ben, peut-être si quelqu'un meurt dans sa famille, on va se sentir mal pour elle. Fait que tu donnes sa sœur. À la limite, ça aurait pu être elle dans l'accident, puis elle s'en sort, tu sais, mais comme elle a vécu de quoi de vraiment weird, je sais pas quoi, là, tu sais, ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est peut-être, genre... Grosse affaire de spéculation, mais je suis certain que c'est un nouveau truc qui va s'en venir ou quelque chose de genre, c'est genre des films qui jouent juste là-dessus, genre plus sur des pics d'émotion, comme facile si on veut, qu'une histoire, puis ça va marcher à cause de ça. C'est sûr, ça existe probablement déjà même. Ouais, mais moins distillé. Qu'il y a du monde qui passe par-dessus des scripts juste pour justement aller chercher cette sauce-là, calculée, qui est aucunement créatif, mais vraiment que... Exploitation psychologique. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis certain, parce que ça demande moins d'efforts. Mais il n'y a aucun effort là-dedans, en fait. Puis c'est pour ça qu'après, t'es comme, what? Genre, après le film, tu te rappelles de rien. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que t'as. Je sais pas, moi je sais pas, à quoi m'attendre après. Tu sais, c'est quoi? Ouais, ok, le petit gars il prend un balai avec sa force. Ok, là c'est quoi, tout le monde a la force. Ok, mais tu t'en vas où? Je comprends pas, je sais pas. T'sais. Ouais, c'est ça. J'ai pas, fais ça, pas j'ai comme. Hâte de voir. J'ai pas fini ça en faisant comme oh shit, ça s'en va où? Ouais, tu sais, j'étais comme là, ok, j'ai aucune idée. Où est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que j'attends là? C'est quoi qui se passe? Ouais. C'est quoi le. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est. J'ai hâte de voir si c'est Disney qui va là-dedans ou si c'est juste lui qui est genre. Le writer, directeur, que lui, il voulait. Tu sais, il a fait plus ça, puis c'est pas nécessairement conscient, mais en même temps, ça file comme un truc qui devient genre qu'on a des recherches pour, puis que si t'as l'argent pour, t'es capable de faire ça. Fait ouais. Que je suis comme, mais j'espère que ça sera pas comme vers où Disney s'en va, plus que c'est juste une fois, puis c'est par hasard, c'est comme ça. Mais en même temps, ça me surparait que Disney ait juste écouté, puis fait, mais ça marche pas. Ils l'ont laissé sortir. Ben non, c'est sûr que non. Fait que tu sais, c'est d'où le. Je suis comme, hey, je suis pas mal sûr que ça va être encore plus d'hommes. Plus ça va. Tu sais, la seule fois qu'ils ont essayé de faire un truc un peu scientifique, c'est genre, tu sais, c'est 3PO qui est comme. Qui essaye d'expliquer quoi dans la cave, puis Poe est comme, oh, arrête, non! On veut juste partir ou quelque chose de genre. T'es comme, ben, what? Tu sais, ils ont comme fait. Ils ont juste pris le setting de Star Wars, puis ils ont fait genre, tu sais, ah, oh, c'est de la science-fiction, c'est censé être un peu. Tu sais, de base, c'est un peu plus. C'est pas nécessairement de la vraie science, jamais, mais au moins ça se référence pis ça je sais pas, ça se donne. Ben dans quoi. Star Wars, moi je sais pas. Non, c'est y en a pas reconnu c'est pour ça, avoir une dire. Science non. Très poussée là. Non, non du tout. C'est même, mais... tu sais, à la limite peut-être les premiers épisodes ça expliquait beaucoup plus de trucs pis c'était plus, mais... Ouais. Mais dans ses références de son univers, ça explique quand même, c'est genre, c'est pas juste... On tue, on attaque, on sauve. C'est genre, je sais pas. Ça essaye d'expliquer la force, puis une mini-morale, si on veut. Ça, il y a fuck all. Je trouve. Mais c'est comme je dis, je l'ai vu une fois à reculons. Fait que, ça se peut que je le réécoute, je vais faire. C'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Mais tu sais, il y a des affaires que j'apprécie. J'aimais tout ce qui était de Kylo puis Rey. Mm-hmm. J'aimais Luke, j'ai pas, la majorité de ce qu'il a fait, j'ai aimé. C'est son pic à la fin, j'aimais ça. J'aime le côté de. Remettre en question ce qui est établi, genre, puis péter un peu les conventions, genre, parce que là, le passé, on efface le passé. Ce que je trouve décevant, c'est qu'avec ça, oui, ils pètent le passé, mais ils font un peu rien avec. C'est comme, ok, tu sais, peut-être que ça rouvre pour le neuf en disant, comme là, on peut partir de n'importe quoi, mais justement, j'aime pas ça qu'on puisse partir de n'importe quoi, parce qu'on non, dirait que je m'attends ça, à rien. Ça reste... Ouais, tant qu'à ça, appelle pas ça Star Wars. Appelle ça. Thor, gros animal avec des tits. Mais c'est quoi le dernier truc que je voulais dire? Je pense que mon personnage préféré, c'est le commandant Roux. C'est le seul qui était genre pas juste un archétype précis, on dirait. Tu sais, oui, c'est le commandant, mais il fait comme dealer avec la marde de tout le monde. Puis... Attends, le commandant Roux? Ben lui qui se fait niaiser au début. Ok. Ben tu trouves pas que ça... Comment t'es capable de le prendre au sérieux après cette scène-là? Ben un peu moins, là, mais... Un peu, moi, mais je sais pas. Non, je pense que c'est resté mon préféré. mais je suis curieux de le revoir, j'ai hâte de le revoir. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ben, j'ai hâte. Ouais, non, j'ai hâte de le revoir, pas vrai. J'ai. Au moins une fois. Revoir les juste pour revoir les bouts que j'ai aimés. Puis, tu sais, savoir déjà ce que j'ai pas. Ah, le style de. Ouais, le casino, puis tout le style. Truc avec l'espèce de gars que c'est un. Ouais! Il est crosse. Puis c'est même pas le gars qui allait le chercher. Puis c'est ça, puis c'est comme. Puis... T'es qui, genre? Puis. C'est pas drôle, pis pourquoi tu parles de même, pis pourquoi qu'à la fin, ah, finalement, je suis là, mais je m'en... En tout cas, Mais d'où, je pense, c'est... Ils ont fait, ah, faudrait quelqu'un avec, pas une disability, mais un peu pour aller chercher le groupe de monde qui aime ça. Ils sont comme, ah, il y en a pas assez, pis après ça, là, t'as le monde qui sont quand même, tu sais, dans l'autre extrême, que c'est du beau monde de cinéma, pis... Je sais pas. Ouais. En tout cas, vous, avez-vous aimé ça? Ouais. Mais comme je dis, je suis ouvert à aimer ça parce que je vais le réécouter avec une meilleure... un meilleur, je sais pas, mood. Non, mais c'est ça, on s'entend. C'est un partage de sentiments de comment qu'on se sentait en l'écoutant. Ouais. Là, c'est pas... Mais tellement, en même temps, ça se raccroche tellement... à pas mal beaucoup ce que le monde pense. Ouais, non, c'est ça. Fait que je me dis que je suis pas si off. Mais ouais. Mais bon! Voilà. C'est Star Wars. C'est Star Wars. Mm. Fait que ce sera l'après le générique. On l'annoncera en fin de show, genre. Ouais. Ben, qui serait bientôt, en fait. Faudrait juste un dernier sujet. Ouais, juste pour pas que ça fasse comme. Ok, à 40 minutes, on finit, pour ça, t'as 20 minutes de Star Wars. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être un peu ça, ce coup-là. Ouais, mais c'est correct. C'est un petit plat. Ouais, c'est surtout un peu de... Pour le faire un warning, ça ferait bizarre, on dirait, d'avoir un... Faire un warning... Non, dans ça, tu sais, faire un warning, avoir cette section-là, dire que ça va, avoir le générique, avoir une autre section, je sais pas. Mais il n'y aura pas de warning? Je comprends. C'est quoi le warning? Non, ben, le de spoiler. Mais il n'y en aura pas, parce qu'il va être après. Ouais, mais on va le dire. Ouais, mais on va le dire. On parle de ce... Ouais, mais on va le dire, genre, mettons, ok, bon, ben, fin de show Facebook, blablabla. Après générique, tantôt, on parlait de Star Wars, puis dans le fond, on l'a mis à la fin pour que, pas que ce soit lourd en premier d'épisode. Spoilers, ouais. Si vous avez pas vu le 8. Blabla, non, c'est ça que je dis, mais si on le laissait là, pas après le générique, faudrait quand même mettre un warning de... Ouais, mais ouais, je le laisserai pas là, c'est trop lourd. Ça ne dérange pas de le laisser, mais je veux pas le mettre en plein milieu d'épisode. Cool. J'ai tellement rien. Veux-tu qu'on... Ok. Sais-tu ce qui marche dans les derniers épisodes depuis un bout? Non. Le rap! Veux-tu qu'on rap? Ah oh, non.